إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى comme il le mentionne tout au long de son livre il n'y a pas une page sans qu'il parle de ce sujet-là il n'y a d'ailleurs même pas un seul verset il n'y a pas un verset sans que celui-ci en réalité mentionne ce sujet-là Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'objectif de notre création. Nous avons été créés pour vouer à Allah subhanahu wa ta'ala un culte exclusif. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les génies et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ Je ne veux pas de leur part une subsistance et je ne veux pas non plus qu'ils me nourrissent. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah certes c'est lui qui donne la subsistance et le détenteur de la force le puissant. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour ceci, chers frères et chères sœurs, le tawhid, afin qu'on lui voue un culte exclusif, qu'on adore que lui, subhanahu wa ta'ala. Et ce tawhid là. Celui qui le déclare, il doit savoir dans quel domaine il entre désormais. Il doit savoir à quel groupe désormais il appartient. Car cette déclaration qui va être faite, la déclaration selon laquelle il n'y a de divinité qu'Allah, la ilaha illallah, selon laquelle il n'y a qu'Allah qui mérite l'adoration et que tout ce qui est en dehors de lui ne mérite pas d'être adoré, cette déclaration-là est lourde de conséquences. Cette déclaration-là, que prétend cette personne par la langue, est une prétention que son plus aimé est Allah subhanahu wa ta'ala, que sa vie est pour Allah subhanahu wa ta'ala, que sa mort est pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il mange pour Allah, qu'il boit pour Allah, qu'il se marie pour Allah, que ses déplacements sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, Son stationnement est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sa respiration est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toute sa vie est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Ibrahim alayhi salam, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي Dis certes ma prière, وَنُسُكِي Et mon égorgement, selon l'explication de certains savants, وَمَحْيَاي Et ma vie, وَمَمَاتِي Et ma mort, لِلَّهِ Sont pour Allah, رَبِّ الْعَالَمِينَ Le Seigneur des mondes. En prétendant qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous entrons dans en réalité un groupe qui est l'élite d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les musulmans, qui sont ceux qui s'adonnent nuit et jour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut que le musulman comprenne qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce que va impliquer le tawhid. Et le tawhid, comme nous allons le voir, implique des épreuves. Et aussi, tu ne pourras sortir des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans ta vie que par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous entendons beaucoup de gens dire « At-tawhid yanqasimu ila thalathati aqsam » Le tawhid se divise en trois parties. « Tawhid al-rububiyah » Le tawhid de la seigneurie. « Tawhid al-asma'i wa sifat » Le tawhid d'Allah dans ses noms et ses attributs. Et « Tawhid al-ibada » ou bien « Tawhid al-uluhiyah » Le tawhid de la divinité. Mais qu'est-ce que les savants cherchent à travers cela? Et est-ce que ces trois parties-là sont simplement des choses que l'on apprend comme cela, techniquement parlant, ou bien est-ce que ce sont des parties du tawhid que la personne, l'individu va vivre? Est-ce que la personne va vivre tawhid al-rububiyah? Est-ce que la personne va vivre l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs? Est-ce que la personne va vivre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration? La réponse est oui. Les prophètes alayhimus salatu wa salam ont vécu le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses différentes parties. Les compagnons radiyallahu anhum ont vécu aussi ce tawhid-là dans ses différentes parties, car ils l'ont compris. Et lorsqu'ils ont compris les implications de ce tawhid, et pourquoi est-ce que ces implications ont lieu d'être, ils sont sortis des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a mis dans leur vie par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créés, nous avons dit, pour le tawhid. Le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en trois parties. Le tawhid de la seigneurie. Qu'est-ce que nous entendons par le tawhid de la seigneurie? C'est déclarer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. Déclarer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes à lui. Les actes qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man ar-razzaq, man alladhi yarzuquk. Quel est celui qui donne la subsistance? Quel est celui qui te donne à toi, musulman, musulmane, la subsistance? Allah wahdahu la sharika lah. Allah, de manière unique, sans aucun associé. Man alladhi yuhyik. Quel est celui qui te donne la vie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika lah. La yusharikuhu fi dhalika tabibun. Il n'y a pas un médecin qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans cet acte-là. وَمَنِ الَّذِي يُمِيتُكَ Qui est celui qui te donne la mort? Allah عَزَّ وَجَلْ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ Allah seul, sans associer, le seul à te donner la mort. Même si les causes sont diverses, celui-là est frappé par une voiture, celui-là prend une balle, celui-là tombe malade. الَّذِي أَمَاتَهُمْ هُوَ اللَّهُ Ce qui leur a donné la mort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. مَنِ الَّذِي Yeshfik, quel est celui qui te donne la guérison? Quel est celui qui te guérit de ta migraine après te l'avoir donnée? Quel est celui qui te guérit de ton mal de ventre après te l'avoir donné? Quel est celui qui te guérit d'une paralysie après te l'avoir donné, etc.? Allah, wahdahu la sharika lah. Allah seul, sans associé. La yushirikuhu fi dhalika tabib wa la raqi wa la ahadun min khalqih. Il n'associe à cette guérison-là, qui est son acte, ni médicament, même si cela peut être une cause, ni médecin, même si cela peut être une cause, ni quelqu'un qui fait une ruqya, même si cela peut être une cause, celui qui guérit, ou Allah. Dans la dua que dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, washfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama. Ô le Seigneur des gens, Allahumma Rabban Nas, ô Seigneur des gens, adhib al-ba's, fais partir le mal, washfi et guéris, anta shafi, tu es celui qui donne la guérison. La shifa'a illa shifa'uk, pas de guérison si ce n'est la tienne. Shifa'an la yughadiru saqama. On te demande une guérison qui ne donnera pas place à une autre maladie. Quel est celui qui guérit? Allah wahdahu la sharika lah. Et les actes divins sont nombreux. Man alladhi yunzilu al-matara? Quel est celui qui fait descendre la pluie? Allah, comme a qala fi awakhir sourati Luqman, wa yunzilu al-ghayth. Et il fait descendre la pluie. Man alladhi ya'lamu ma fi al-arham? Allah wahdahu la sharika lah. Quel est celui qui connaît ce qu'il y a dans le ventre? Que ce soit en termes de sexe, qu'est-ce que c'est, un garçon ou une fille? Que ce soit en termes de subsistance, qu'est-ce que aura cet enfant lorsqu'il vivra? ou même en termes de vie et de mort, est-ce que cet enfant qui est aujourd'hui dans le ventre de sa mère vivra ou mourra dans un futur proche ou lointain? Seul Allah sait ceci. Donc ces actes-là divins, lorsqu'on les attribue seulement et uniquement à Allah Azza wa Jal, nous déclarons at-tawhid ar-rububi. Nous déclarons le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Et ce tawhid-là, lorsqu'il est déclaré par un musulman, lorsqu'il est déclaré de manière complète, yastalzimu minka an tuhibba Allah. Ceci va impliquer de ta part que tu vas aimer Allah. Ceci va impliquer de ta part que tu craignes Allah. Ceci va impliquer de ta part que tu espères en Allah seul et unique, sans associé. Donc nous arrivons à une deuxième partie du tawhid qui est tawhid al-asma'i wa-sifat. Et je ne veux pas traverser par là, entrer dans le détail des qawa'id, des règles du tawhid al-asma'i wa-sifat. Car ce n'est pas l'objectif, nous n'avons pas le temps. Et peut-être certaines personnes n'auraient pas le niveau de comprendre ces paroles-là. Simplement, ce que je veux dire, c'est que le tawhid d'Allah dans ses noms et ses attributs, c'est qu'il faut vivre ces noms et ces attributs-là. Certes, nous lisons dans les livres de Aqidah, « Nuthbitu ma athbatahu Allahu li nafsihi min ismin wa sifatin, wa ma athbatahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam lillahi, min ghayri tashbihin, wa la takyifin, wa la ta'tilin, wa la ta'wilin. » On attribue à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est attribué comme nom et comme attribut. Allah s'est donné des noms, tu es obligé d'y croire. Ar-Rahman, mawjoud fil Qur'an, tu es obligé de croire à ce nom. Ar-Rahman, c'est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Man kafara bihi kafara billah, celui qui ne croit pas à ce nom-là. Yaqul hadha laysa min asma'illah. Fa hadha laysa bi muslimin. Une personne qui dénigre ce nom-là et le rejette ne peut pas se dire musulman, car Allah s'est nommé lui-même comme étant Ar-Rahman dans son livre. Ces noms, on doit y croire, ainsi que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Ar-Rahman, il s'est istawa, établi entre guillemets sur son trône. Nu'minu bidhalik, on croit en cela, on est obligé d'y croire. Limadha? Li'anna hadhihi ayatun min ayati kitabillah azza wa jal. C'est un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel Allah dit Ar-Rahman 'ala al-arsh istawa. Donc on est obligé de croire en l'istiwa d'Allah azza wa jal. 'Ala qawa'id man sabaqana, selon les règles de ceux qui nous ont précédés. Wa min ajmal ma warada fi hadha al-bab ma qalahu al-imam Malik rahmatullah alayh. Un homme est entré auprès de l'imam Malik et a dit: comment est l'établissement d'Allah? Il a demandé sur le comment. L'imam Malik atraqa ra'sahu, il a baissé sa tête jusqu'à ce que son front sue, était plein de sueur. Puis il a levé la tête et a dit al-istiwa ma'loum. Il a dit l'établissement est connu car il est rapporté dans le livre d'Allah. Al-istiwa ma'loum wal kayf majhoul, et le comment est inconnu. Al-iman bihi wajib, et croire en cet établissement est obligatoire. Was-su'al 'anhu bid'ah, et demander au sujet de cet établissement est une innovation. Mais ce que nous voulons aujourd'hui développer, c'est qu'il faut vivre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as appris désormais que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ar-Rahman, wa Ar-Rahman 'ala wazni fa'lan, wa yadullu dhalika 'ala al-imtila'. Ar-Rahman, ça veut dire que Allah est plein de rahma. Tu dois vivre une vie selon laquelle Allah est plein de rahma. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bil ilm. Allah est qualifié comme ayant de la science. Al-ilm sifatun min sifatillah. Sifatun min sifatillah azza wa jal. La science est une qualité parmi les qualités d'Allah azza wa jal. Et ceci doit apparaître dans ta vie. Ceci doit apparaître dans ta aqidah. Ceci doit apparaître dans ton parler, dans ta manière d'être. Dans ton tawhid, il doit apparaître que Allah bi kulli shay'in alim. Tout ceci doit apparaître dans ton existence. De même, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses noms donc, doivent apparaître dans ton quotidien. Et ces deux parties-là qui sont tawhid al-rububiyyah et tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah dans ses actes et l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, doivent impliquer, ça c'est le plus important, ils doivent impliquer de la part de la personne de l'amour d'Allah, mahabbatullah, de la crainte d'Allah, al-khawf min Allah. Ils doivent aussi impliquer ar-raja ou fillah, l'espérance en Allah, azza wa jal. Tous ces actes du cœur qui vont ensuite donner naissance aux actes du corps. Car les premières parties ne sont pas suffisantes. Quraysh savait que Allah est le seul à faire descendre la pluie. Quraysh savait que Allah donne la vie. Quraysh savait que Allah donne la mort et seul Allah donne la mort. Quraysh savait que la guérison vient d'Allah et que seul Allah guérit. Kana fihim tawhid ar-rububiyyah. Ils avaient en eux l'unicité de la seigneurie. Mais qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? C'est le tawhid d'Allah dans la divinité. Ils vouaient des actes à autre qu'Allah. Ils égorgeaient pour leur statut. Ils demandaient à leur statut d'intercéder auprès pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ici qu'a eu lieu le shirk de Quraysh. Donc lorsque toi tu vas déclarer tawhid ar-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans ses actes, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, observe mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu vas déclarer ensuite comme parole en réalité pour entrer en islam? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ar-rasulullah. Mais qu'est-ce que ça veut dire al-ilah? Est-ce que ça veut dire j'atteste qu'il n'y a personne qui fait descendre la pluie sauf Allah? Quand je dis ashhadu la ilaha, la munzila lil matari, la shafiya illallah, la khaliqa illallah, la alima li kulli shay'in illallah, personne ne crée en dehors d'Allah, personne ne guérit en dehors d'Allah, personne ne donne la mort en dehors d'Allah. Est-ce que nous attestons seulement de cela lorsque nous disons la ilaha illallah? Non. Nous attestons cela, mais pas que cela. Ce que nous attestons lorsque nous disons la ilaha illallah, c'est que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Car de par ce que tu as déclaré en tant que tawhid de seigneurie et tawhid des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas déclarer ensuite que seul Allah mérite l'adoration. Car si c'est le seul qui t'a créé, si c'est le seul qui te donne la vie, si c'est le seul qui te donne la mort, si c'est le seul à te guérir, si c'est le seul à te donner ta subsistance, alors c'est le seul à mériter l'adoration. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre fait des reproches à Quraysh lorsqu'ils attestent que le seul à avoir créé les cieux et la terre c'est Allah. Alors il leur dit, pourquoi est-ce que vous allez vous orienter avec des adorations près des statues? Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent c'est Allah. Alors Allah leur fait des reproches après. Afala tattaqun? Est-ce que vous ne craignez pas? Afala tadhakkarun? Est-ce que vous ne vous rappelez pas? Afala ta'qilun? Est-ce que vous ne raisonnez pas? C'est pour ça que Luqman, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Le shirk est un dhulm, est une injustice azim, immense. Car le shirk, pourquoi est-ce qu'il a été appelé dhulm? Le dhulm, ce n'est pas rendre à quelqu'un ce qu'il mérite, parmi l'essence du dhulm. Lorsque tu vas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as donné à quelqu'un ce qu'il ne méritait pas et tu as privé Allah azza wa jal de ce qu'il méritait, l'adoration, seul sans associé. C'est pour ça que ce qu'il y a de pire que peut faire un humain, pire que la fornication, pire que le meurtre, pire que le vol, et ce que ne comprennent pas beaucoup de gens aujourd'hui, pire que manger les intérêts, pire que violer sa mère, ash-shirku billah, associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants, ils testaient parfois leurs élèves, waqila an ba'd al-mu'asirin, qu'ils testaient leurs élèves. Et ils disaient, sami'na fi al-jaridati al-fulaniya mathalan, anna rajulun zana ma'a ummi, wa kana an-nas yastarji'un. On a entendu dans tel article de journal qu'un tel a eu un rapport sexuel avec sa mère. Et les élèves disaient, a'ouzou billah, c'est extrêmement grave. La'natullahi alayhi kada wa kada. Et quand ils disaient, sami'na anna fulan dabaha lil djinn, on a entendu qu'un tel a égorgé pour le djinn, la yataharrakoun. Ils ne bougent pas et ne sont pas touchés. Pourquoi? Parce qu'on a compris le volme envers cette mère lorsqu'il a fait cela avec elle. Et la laideur de cet acte qu'a fait cette personne. Mais on ne comprend pas la laideur et le crime que fait une personne lorsqu'il voue un acte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit beaucoup de gens condamner le vol, condamner les ventes de drogue, condamner ceci et cela, même de beaucoup d'imams. On a beaucoup d'oros sur comment se comporter avec notre femme. Et on condamne les maris qui se comportent mal avec leur femme. Naam. Et nous condamnons les maris qui se comportent mal avec leur femme. Et nous condamnons les femmes qui se comportent mal avec leur mari. Et aussi on a beaucoup de doros sur Bir al-Walidain. Et naam, nous condamnons les enfants aussi. Et nous leur disons de prendre le droit chemin. Ces enfants-là qui sont mauvais avec leurs parents. Mais a-t-on condamné les gens qui ont voué un culte à autre qu'Allah Azza wa Jal? Soyons sincères, est-ce que nos doros sont fondés sur le tawhid et le shirk? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, il les envoie à des gens qui sont des gens du livre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Sallallahu alayhi wa sallam, فَلِيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation selon laquelle il n'y a de divinité qu'Allah. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ فِي ذَلِكَ. Et s'ils t'obéissent là-dedans, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Et s'ils t'obéissent à cela, alors informe-les qu'Allah a rendu obligatoire pour eux 5 prières par jour et par nuit. Mais si jamais il n'y a pas le tawhid, à quoi bon prier? À quoi bon être bien avec ses parents, etc. si jamais on est mushrik billahi azzawaj? Donc revenons au tawhid. Lorsque tu vas déclarer qu'il n'y a de divinité qu'Allah, tu déclares en réalité qu'il est le seul à mériter l'adoration. Donc nous allons développer qu'est-ce que l'adoration. Et que tout ce qui est en dehors de lui ne mérite pas d'être adoré. Qu'est-ce que l'adoration? De manière résumée, Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh dit qu'elle s'appuie sur deux piliers. Ghayatul dhul ma'a ghayatil mahabba. L'adoration, c'est la soumission complète avec l'amour complet. Ce n'est pas de la soumission avec de l'amour. C'est la soumission totale avec l'amour total. C'est pour ça que l'ibadah dans la langue arabe, à la base dans la langue arabe, c'est le plus haut degré qui existe dans l'échelle de l'amour. Il y a plusieurs degrés dans l'échelle de l'amour. Ibn al-Qayyim dit qu'il y en a 9 dans Madarij al-Salikin. Il y a le premier degré, deuxième, troisième, quatrième. Lorsque j'arrive au 9e degré, je dis « A'boudou foulen ». J'adore un tel. J'adore cette chose-là. Même en français, on retrouve cette expression. Lorsque tu veux exprimer ton amour extrême d'une nourriture, j'adore. Il ne faut pas le dire ça, mais les gens disent ça. J'adore cette chose-là. Donc c'est l'amour extrême avec la soumission extrême. Donc tu as déclaré cela. Peut-être que toi, en disant « Ashhadu an la ilaha illallah », donc quand tu fais l'Eden, tu ne t'en rends pas compte. Lorsque tu fais le Tashahhud, tu ne t'en rends pas compte. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, lorsqu'il a vu de toi cette déclaration, il va te tester. Il va te tester pour voir si réellement tu as une soumission totale à Allah et un amour total à Allah. Donc il va te tester dans ce que tu aimes, pour voir si tu aimes ces choses-là plus que lui. Pour voir si tu aimes ces choses-là plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour voir si tu aimes ces choses-là plus que les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va te tester. Car tu as déclaré être un serviteur. Et lorsque tu déclares être dans l'ibadah, c'est que tu déclares la soumission totale et l'amour total. Car il y a deux formes de ibadah. Al-ibadatul qahriya, al-kawniya, al-qadariya. Il y a la soumission qui est universelle et qui ne se fait pas par choix. Allah l'a cité dans le Coran. Wa in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahman 'abda. Tout ce qui est dans les cieux et la terre revient vers le miséricordieux en tant que abd, en tant que serviteur. Bi hadha al-mafhoum, selon cette compréhension, al-kafiru 'abdun lillah. Le mécréant est serviteur d'Allah. Al-waraqa allati fi ash-shajara 'abdun lillah 'azza wa jalla. Al-jamad, abidun lillah, tout ce qui est inerte est serviteur d'Allah dans ce sens-là. Al-sama' abidun lillah dans ce sens-là. Les cieux sont soumis au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala universel. Tout le monde est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens universel qadari, de la prédestinée, qui n'est pas fondée sur l'amour et la soumission à Allah volontaire. Et est-ce qu'il y a une récompense suite à cette soumission-là? À votre avis, y a-t-il une récompense qui découle de cette soumission-là? Non, il n'y a pas de récompense. Et il n'y a pas non plus de test, car tu n'es pas soumis à Allah Azzawajal par choix. Tu mourras quand Allah le voudra. Tu es né quand Allah l'a voulu, etc. Mais al-ibada, selon, pour laquelle il y a en implication une récompense, hein, c'est la ibada ikhtiyariya, mabniya ala al-mahabba wa dhul lillahi azza wa jal. C'est la soumission qui est fondée sur l'amour et la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit Ibn al-Qayyim dans sa Nouniya, wa ibadatu ar-Rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Et l'adoration du Rahman, ghayatu hubbihi, c'est l'amour extrême, ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani, avec la soumission du serviteur. Et ce sont les deux pôles de l'adoration. La soumission sans amour, est-ce que c'est une ibada? Je veux la réponse de vous-même. Est-ce que c'est une ibada, la soumission sans amour? Non. Hadhihi ibadatul munafiq. Ça, c'est l'adoration du munafiq. Ya'budullah lakin kurha. Le munafiq, l'hypocrite, il adore Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est entouré de croyants et il ne peut pas faire émerger sa mécréance. Donc une soumission sans amour, ce n'est pas une adoration. Et un amour sans adoration, est-ce que ça, on peut dire que cette personne est un abd lillah azza wa jal? Non, il faut le suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Dans sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni." Si vous prétendez aimer Allah, si vous aimez Allah, suivez-moi. Il dit au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam de dire aux gens: "Dis, si jamais vous aimez Allah, alors suivez-moi et alors Allah vous aimera." Donc on revient au sens de la shahada. Comprenez mes frères et sœurs, le sens de la shahada, ça ne veut pas dire qu'il y a seul Allah, seulement Allah a créé les cieux, a créé la terre, fait descendre la pluie, me donne la vie, me donne la mort. Et tout le reste n'a pas ces actes-là. Non, ça c'est pas suffisant, même Quraysh avait cela. Tu déclares que le seul à mériter l'adoration, c'est Allah. Qu'est-ce que l'adoration? La soumission totale et l'amour total. Tout ce qui est en dehors d'Allah ne mérite pas la soumission totale et l'amour total. Que ce soit un prophète, que ce soit un saint, que ce soit tes parents, que ce soit une pierre, une vache, n'importe quelle chose ne mérite pas la soumission totale avec l'amour total, ce qu'on appelle al-ibada. Donc tu as déclaré cela, maintenant tu vas être testé. Tu vas être testé du fait du tawhid que tu déclares avoir. Car Allah veut voir désormais si ce que tu prétends est réellement dans ton cœur. Donc Allah Azza wa Jal dit au début de sourate Al-Ankabut: Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous avons cru sans qu'ils soient éprouvés? Quel est le but de cette épreuve? Allah répond. Il dit: Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Et nous avons certes éprouvé ceux qui étaient auparavant. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Afin qu'Allah sache ceux qui ont été véridiques de ceux qui ont été menteurs. Car parmi toutes ces personnes qui ont dit أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, il y a des menteurs. Il y a des gens qui ne méritent pas ce que a une personne qui a dit réellement لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Car celui qui a dit « La ilaha illallah » de manière sincère, avec science, avec véracité, avec amour, avec certitude, avec acceptation, avec soumission, avec les conditions de « La ilaha illallah », il mérite qu'Allah soit son allié. Allah dit « Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min al-zulumati ila al-nur » Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié des croyants. Est-ce que tous ceux qui ont dit « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » sont croyants? Quelle est la réponse? Oui ou non? Non! Car il y a des hypocrites qui ont dit « La ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah » Qu'est-ce qu'ils disent al-Munafiqoun? إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Lorsque viennent à toi les hypocrites, ils disent nous attestons que tu es le messager d'Allah. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ Et Allah sait que tu es son messager. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Le tafsir, ils ont dit, est-ce qu'ils sont menteurs dans l'expression qu'ils ont dit ou ils sont menteurs parce que ce qui est sur leur langue n'est pas en accord avec ce qui est dans leur cœur ? نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ C'est une réalité, c'est vrai ça. Mais pourquoi est-ce qu'Allah a dit l'atteste إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ Ce sont des menteurs. Car ils le disent par la langue, mais dans le cœur, ils ne le disent pas. Dans le cœur, ce sont des mécréants. Donc parmi toutes ces personnes qui ont dit la shahada, seule une partie va mériter l'alliance d'Allah. Qu'Allah les affermisse, qu'Allah soit avec eux, qu'Allah les aide, qu'Allah soit leur compagnon. Qui sont ces gens-là? Ce sont ceux qui ont dans le cœur ce qu'ils ont sur la langue. Qui a réellement ont l'amour d'Allah Azza wa Jalla et la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah va nous tester pour voir est-ce qu'on est des menteurs ou pas. Et ça c'est pour notre intérêt. Il dit subhanahu wa ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Et certes, nous allons vous éprouver. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ Et certes, nous allons vous éprouver afin de savoir qui parmi vous est un véritable combattant, qui combat sur le sentier d'Allah et qui est patient. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ Et afin de savoir votre prise de position. C'est-à-dire par rapport à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ Certes, vous allez être éprouvés dans votre argent et dans vos personnes. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا Et certes, vous allez entendre de la part des gens qui ont reçu le livre avant vous et des associateurs beaucoup de mal. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Et si vous patientez et vous faites preuve de crainte, de taqwa, ceci fait partie des bonnes prises de position. Allah dit aussi مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah ne va pas laisser les croyants dans la situation où ils sont jusqu'à ce que Il différencie le mal du bon. Donc Allah va nous éprouver, ayyuhal ikhwa, pour savoir est-ce que nous sommes véridiques dans la ilaha illallah. Car cette parole est trop lourde pour que la simple prononciation te permette d'entrer au paradis. Cette parole est trop lourde, elle est trop chère dans ses implications et dans ses récompenses pour que sa simple prononciation soit valide. Donc Allah va nous tester. Comme il a testé les gens qui nous ont précédés. Et plus la personne est forte dans sa religion, plus elle sera éprouvée par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya » Les gens qui sont le plus éprouvés sont les prophètes. « Thumma as-salihun » puis les pieux. « Thumma al-amthalu fal-amthal » puis du meilleur au moins bon. يُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ La personne est éprouvée en fonction de son niveau de religion. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَهِ اِشْتَدَّ بَلَاءُ Si jamais il est solide dans sa religion, alors les épreuves sont encore de plus en plus difficiles. Tu passes celle-là, Allah va t'en mettre une autre. Car qu'est-ce que la ilaha illallah, l'amour total. L'amour total. Et les gens dans l'au-delà n'auront pas le même degré. Suivant l'amour qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission qu'ils ont à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois que tu as passé ce degré-là, Allah te teste à nouveau pour te faire grimper à un nouveau degré qui te permettra d'avoir un degré encore plus haut dans l'au-delà. Donc on sera éprouvé dans notre personne. On sera éprouvé dans notre argent. On sera éprouvé dans nos enfants. On sera éprouvé dans notre réputation comme l'ont été les prophètes alayhim salatu wassalam et les sahaba radiyallahu anhum. Et nous avons beaucoup d'exemples dans les gens qui nous ont précédés. Parmi eux, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, khalun nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'oncle maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ahadul mubashirin bil jannah, et c'est une des personnes promis au paradis, à qui on a annoncé qu'il était au paradis. Sa'd ibn Abi Waqqas kana yudrabu bihi al mathal fi Mecca fi bab birr al walidain. C'était quelqu'un à la Mecque, on le citait en exemple comme étant quelqu'un de très respectueux de sa mère. C'était quelqu'un qui était connu à la Mecque comme étant extrêmement obéissant à sa mère. Lorsqu'il est entré dans l'islam, sa mère a appris donc qu'il suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a appelé. Elle lui a dit « Ya Sa'd ». D'abord elle lui a dit « Okfur bi Mohammed ». Elle lui a dit « Mais crois en Mohammed ». Il lui a dit non. Elle lui a dit « La akulu wa la ashrabu. La akulu wa la ashrabu. Hatta amut thumma satu'ayyaru biya qatila ummi. Je vais arrêter de boire et arrêter de manger jusqu'à ce que je meure et tu seras insulté, ô meurtrier de ta mère. Tu sortiras dans la rue et les gens diront ô Sa'd, ils t'appelleront et te diront ô toi qui as tué sa mère. Et ça, c'est une épreuve difficile pour quelqu'un qui à la base est cité dans les rues de la Mecque comme étant quelqu'un d'exemplaire avec ses parents. Et ça, c'est quelque chose qui peut t'arriver. Parfois pour ton iltizem, parce que tu vas à Salat al-Subh, il est possible que ta mère va parler sur toi. Et peut-être même mentir sur toi et dire aux autres femmes « Wuldi ma kaysma'ch minni ». Wal amru ala khilafi dhalik. Toi tu es peut-être, c'est ce qu'on espère de toi, pieux. Tu ne réponds jamais. Ton seul péché c'est d'aller à la mosquée. Ton seul péché c'est d'avoir mis la barbe. Ton seul péché c'est que maintenant tu ne veux plus serrer la main aux cousines et aux... à certaines femmes à qui avant tu serrais la main avant d'avoir commencé la prière. Ton seul péché c'est d'être un peu trop accroché à ta religion. Alors des rumeurs vont peut-être être propagées sur toi. À ce moment-là, il faut être ferme sur les pas du prophète alayhi salatu wassalam, comme l'ont été les gens qui t'ont précédé. Mais sans dureté, sans répondre de mauvaise, avec une mauvaise façon aux parents, sans les insulter, toujours l'obéissance, toujours le respect. Mais comme Sa'd radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas écouté cet ordre qui venait de ses parents-là, de sa mère. Alors elle a commencé à avoir faim et soif, elle ne mangeait pas. Dans une riwaya, ce hadith il est dans Sahih Muslim. Dans une riwaya, en dehors de Sahih Muslim, dans une autre version, les gens amenaient un bâton et lui mettaient entre les deux mâchoires pour pouvoir ouvrir la mâchoire de la mère de Sa'd et lui mettre de la nourriture et de la boisson. Puis lorsqu'il a vu ça, Sa'd lui a dit « Ya Ummah, ô mère, law kanat laka mi'atun nafs. Si jamais tu avais 100 âmes, pas qu'une vie, t'as 100 vies. Wa kharajat amami nafsan nafsan. Et que toutes ces âmes sortaient devant moi, une par une. Ma kafartu bi Muhammad kuli aw da'i. Jamais je délaisserai la religion de Muhammad. Mange ou laisse, fais ce que tu veux. » Mais ce chantage-là, il ne marchera pas. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu un verset de sourate Al-Ankabut, wa qila Luqman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Et si jamais ils te font le jihad, ils te font la guerre pour que tu associes à moi, ne leur obéis pas. Mais Allah, il a fait un petit réglage à la dureté de Sa'd lorsqu'il a dit si tu avais 100 âmes, ça c'était en plus. Il a dit wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa. Mais comporte-toi avec eux de la meilleure manière. Et dans l'autre verset wa qul lahum qawlan karima. Et dis-leur des paroles généreuses. Et il se peut que l'on soit éprouvé par cela. Parfois par des gens que l'on aime. Des gens que l'on aime, comme c'était aussi le cas de Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Ou bien des gens qui dépensent pour nous. Donc on va être éprouvé par la porte de l'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut voir est-ce que notre amour qu'on lui voue est supérieur à l'amour qu'on voue à cette personne-là. Ou à cet intérêt-là. Mus'ab ibn Umayr était un jeune qui avait une maman qui avait un fort caractère et qui était très riche. Et c'était un des jeunes hommes les mieux habillés de la Mecque, qui était un jeune homme beau, parfumé, radiyallahu anhu arda. Lorsqu'il est entré en islam, il allait en cachette à la maison de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Comme certains convertis, il y en a, ils nous disent, on vient à la mosquée en cachette. Et quand il rentre à la maison, il cache son islam. Parce que il ne peut pas l'extérioriser, il y a parfois même un danger. Il y a certains jeunes, on a entendu que son père l'a menacé. Si jamais il entre en islam. Mais où il est déjà en islam. Il est déjà entré dans l'islam, ce jeune homme. Mus'ab ibn Umair, il allait en cachette à la maison de Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Sur la montagne de Safa, le prophète alayhi salatu wa salam se réunissait avec les compagnons et il leur enseignait le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, Uthman ibn Abi Talha, qui était donc un mécréant à Quraysh, est allé voir, il a vu Mus'ab ibn Umair et il est allé voir la mère de Mus'ab. Et lui a dit, ton fils, il est rentré dans l'islam et il se mélange, il fréquente le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une sunna, la sunna de l'épreuve. Allah veut voir la aqida de Mus'ab ibn Umair. Cet amour total et cette soumission totale à Allah azza wa jalla. Lorsqu'il est rentré chez lui, sa mère l'a appelé. Elle lui a coupé tous les vivres. Elle a tout coupé. Elle a coupé vêtements, à boire, à manger, plus rien. Si tu veux manger, boire et être vêtu, alors tu dois délaisser la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Saad. Et il a patienté jusqu'à ce que soit ouverte la porte de la hijra vers Al-Habash al-Abyssinie. Et il est parti. Radiyallahu anhu. Et ensuite il est revenu. Son thabat, sa aqida, parce que je veux que vous compreniez que les épreuves que l'on cite là, le passage des compagnons, radiyallahu anhum, dans leurs épreuves, et le fait qu'ils aient gagné ces épreuves, qu'ils aient pu surpasser ces épreuves, c'était en lien avec leur tawhid. Parce qu'ils connaissaient la rububiyya d'Allah, azzawajal. Et parce qu'ils connaissaient les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de ce fait-là, ils vouaient un culte exclusif à Allah, azzawajal. Et Mus'ab, il avait une aqida extrêmement forte, qui est apparue ici avec sa mère et même avec son frère. Même avec son frère après la bataille de Badr. À la bataille de Badr, dans les prisonniers de Badr, il y avait le frère de Mus'ab ibn Umair, qui s'appelait Abu Aziz ibn Umair, le frère de Mus'ab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport aux prisonniers de Badr, Istausu bil asara khayra. Prenez soin des prisonniers. Abu Aziz ibn Umair, il raconte qu'il était avec un groupe de Ansarit qu'il avait fait prisonnier, et c'était un Ansari qui s'appelait Abu Yusr, qui avait donc Abu Uzair, le frère de Mus'ab. Il dit que les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, comme ils avaient entendu que le prophète sallallahu alayhi wa salam disait de prendre soin des prisonniers, lorsqu'ils avaient leur nourriture qui était faite de pain et de dattes, eux mangeaient les dattes et donnaient le pain aux prisonniers. Le pain qui est mieux que les dattes. Les dattes, il y en a beaucoup là-bas. C'est une nourriture qui est très classique. Mais le pain, ça demande beaucoup de choses. Il dit, lorsque je recevais un morceau de pain, je le rendais aux compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, hayaan, par pudeur et par honte. Il dit ensuite, Abu Yusr, il m'a pris et il est passé devant Mus'ab ibn Umair. Mus'ab, il a regardé Abu Yusr. Et il lui a dit, Shud yadaka bihi. Et il a dit, tiens-le celui-là, ce prisonnier. Fa inna ummahu dhatu malin. Car sa mère, elle a beaucoup d'argent. Il parlait de leur mère, c'est des frères. Il a dit à l'autre compagnon, Abu Yusr, il a dit, lui, le lâche pas, il y a bon à prendre, il y a beaucoup à prendre. Et son frère Abu Aziz, il a regardé. Il a dit, c'est comme ça que tu me traites? Il a dit, innahu akhi dunak. Il a dit, lui, c'est mon frère et pas toi. Il a dit, Abu Yusr, c'est mon frère et pas toi. Puis après, ils ont envoyé donc à la mère de Abu Aziz. Elle a dit, à combien est-ce que vous avez libéré un Qarshi, un habitant de Quraysh, au maximum? Quelle est la somme maximale que vous avez donnée pour libérer un prisonnier de Quraysh? Ils ont dit 4000 dirhams, 4000 pièces d'argent. Elle a donné 4000 pièces d'argent et a récupéré Abu Aziz. Observez sa aqida, son tawhid, sa connaissance d'Allah Azza wa Jal, son alliance pour Allah et son désaveu à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne lui a pas donné un penchant vers son frère face aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle était la aqida de ces gens-là. Pas comme certains d'entre nous aujourd'hui. « Une kanat khusuma bayna muslimin wa akhih intasara li akhihi mutlaqa » Si jamais il y a une dispute entre un frère et son frère de sang, il prend le côté de son frère de sang mutlaqan. Ou in kanat hunaka khusuma baynahu wa bayna rajulin بين رجل من وطنه ورجل آخر ليس من وطنه انتصر لصاحب وطنه مطلقا فهذا لا يوالي في الله ولا يعادي في الله بل يوالي في وطنه ويعادي في وطنه وهذا ما حقق يعني التوحيد بكماله. Lorsqu'il y a une dispute entre quelqu'un de sa nationalité et une personne qui n'est pas de sa nationalité, il prend parti pour la personne qui est de sa nationalité. Alors que notre alliance se fait pour Allah et notre désaveu se fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Awthaqu 'ala al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. La hanse la plus solide de notre religion, c'est l'amour à Allah et la haine à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous serons aussi éprouvés, ayyuha al-ikhwa, dans nos enfants pour Allah azza wa jal. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour concrétiser la ilaha illallah, il nous éprouvera dans nos enfants. S'il nous en donne, car il se peut qu'il ne nous en donne pas. Chose que beaucoup de musulmans aujourd'hui aussi parfois n'acceptent pas. Allah, s'il veut, ne te donne pas d'enfants. Car parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, وَهَذَا مُهِمْ, il faut, mes frères, mettre en lien les événements que nous avons dans notre vie avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. مِنْ أَسْمَائِهِ الْمَانِعُ المانع, c'est celui qui prive. وهو المعطي, c'est celui qui donne. Et dans les règles de asma et wasifat, dans les règles des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, يقول اهل العلم بان هذه اسماء لا ينبغي ان تذكر منفك احداهما عن الاخرى لان لا تدل احداهما على الكمال الا اذا كانت مصحوبه بالاخرى. Les savants dans les qawaid al-asma wa sifat, dans certains noms comme al-muqaddim ou al-mu'akhir, c'est celui qui fait avancer, c'est celui qui fait reculer, c'est celui qui donne, c'est celui qui prive. Ils disent que le adab, la discipline avec ces noms-là, c'est de les citer toujours jumelés. Car la complétude n'est pas dans le fait que de pouvoir donner, mais elle est aussi dans le fait de pouvoir priver. La complétude n'est pas seulement dans le fait de pouvoir élever, mais aussi dans le pouvoir de rabaisser. La complétude n'est pas seulement dans le pouvoir de faire avancer, mais aussi dans le fait de faire reculer. Donc Allah, tout comme il donne à certains et montre une expression de sa puissance et de son pouvoir de donner à travers certaines femmes en leur donnant un enfant, il va aussi exprimer son pouvoir de priver en ne donnant pas d'enfant à certains. Et il se peut que ce soit toi. Ce qui ne va pas t'amener à accepter cela au point de ne pas ensuite faire d'analyse médicale et de chercher à pouvoir avoir une descendance, non. Mais à l'instant T présent, tu agrées cela. Et tu vis un des noms d'Allah qui est Al-Mani'. Comme tu espères qu'il te donne afin que tu vives Al-Mu'ati, celui qui donne, tu acceptes la privation car à travers cela tu vois Al-Mani'. Allah dit Lillahi mulkus samawati wal ard. C'est à Allah qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, il crée ce qu'il veut. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا, il donne à qui il veut des filles. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ, et il donne à qui il veut des garçons. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, et à d'autres familles il donne des filles et des garçons. Ce qu'on a cité, c'est concernant le don, qu'il y a une puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et un de ses actes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala montre dans le même verset que sa capacité, sa puissance, sa force sont absolues au point qu'il peut priver. Il dit ensuite وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, et il fait qui il veut stérile. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, il est omniscient, qadir, puissant. Et sa puissance est dans le don et dans la privation. Donc Allah, s'il veut, ne te donnera pas d'enfant. Et s'il t'en donne, il t'éprouvera dans ces enfants-là. Comme il a éprouvé les sahaba radiyallahu anhum. Parmi eux, Umm Salama et Abu Salama. Lorsqu'ils ont voulu faire l'égir, donc de Mecca vers Al-Madinah, ils sont partis en couple avec leur enfant Salama, qui est encore un bébé. Ils étaient donc sur leur chemin, et la famille de Abu Salama, la famille de Umm Salama, pardon, ils ont vu donc Umm Salama avec l'enfant. Et l'on dit, il n'y a pas de hijra, tu ne pars pas avec cette personne-là. Tu dois rester ici. La famille d'Abu Salama Donc le mari, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit, oh Allah, on ne laissera pas le bébé aux mains de cette femme-là. Il va rester avec nous. Les deux familles, la famille d'Abu Salama et de Umm Salama, ont commencé à prendre Salama, le bébé, chacun par un bras. Et n'ont cessé de le tirer jusqu'à ce qu'ils lui en ont arraché un. Jusqu'à ce qu'ils lui ont arraché un des deux bras. Umm Salama, ensuite elle a été séparée de son enfant. Elle dit, j'ai été séparée de mon mari et de mon enfant. Elle dit, pendant une année, je me souviens de mémoire, elle allait à Al-Abtah. Al-Abtah qui est une place à la Mecque. Et elle pleurait là-bas. Elle restait à pleurer dans ce coin-là. Jusqu'à ce qu'un jour, une personne est passée, il a dit, « Ala tarhamu hadhihi al-miskina » à sa famille, « Est-ce que vous ne faites pas miséricorde à cette pauvre ? Laissez-la partir et rejoindre son mari, car lui, le mari, il était parti ensuite. » Et elle a récupéré le bébé et elle est rentrée. Elle a rejoint son mari. Pourquoi ? Pour Allah Azza wa Jal. Pour quitter la Mecque et pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé, tranquillement dans la ville de Médine. Ils ont été éprouvés dans leurs enfants. Ils ont été éprouvés dans leur argent. Et ils ont été éprouvés aussi dans leur corps. Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, il était forgeron. Ce hadith, il est dans le Bukhari wa Muslim. Il dit, j'étais forgeron. Et j'avais fait une épée à Al-As ibn Wa'il, un des koufars de Mecca. Je lui avais fait une épée et il ne m'avait pas payé tout de suite. Donc j'avais une dette. Lui, il avait une dette envers moi. Il me devait de l'argent. Il dit, je suis allé voir Al-As ibn Wa'il et je lui ai dit, rends-moi mon argent. Je suis allé lui demander. Donc il me rembourse cette dette-là. Et il m'a dit, La u'tika hatta takfura bi Muhammad. Lui a dit, je ne te donnerai pas jusqu'à ce que tu m'écroies en Muhammad. Lui a dit, non, par Allah, ça c'est Al-Khabbab qui parle. Lui a dit, jamais jusqu'à ce que tu meurs et que tu sois ressuscité. Il lui a dit, Awa ana mayyit thumma mab'outh, est-ce que je vais mourir et ensuite être ressuscité? Il lui a dit, Na'am. Il lui a dit, bien sûr, tu vas être ressuscité. Qala idhan fasatakunu li amwal wa awlad. Il lui a dit, alors j'aurai des enfants et de l'argent. Après la mort, je te rembourserai. Et Allah, il a descendu le verset de surat Maryam. Afaraita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vois-tu celui qui a mécru en nos versets et qui a dit, je vais avoir de l'argent et des enfants après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, attala al ghaib, est-ce qu'il a vu l'invisible, il connaît lui ce qui est après la mort, am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, ou bien est-ce qu'il a un contrat avec Allah d'avoir des enfants et de l'argent après la mort? Kalla, non, il n'aura ni enfant ni argent. Kalla, sanaktubu ma yaqul, nous allons écrire ce qu'il dit. Sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu min al-'adhab madda, et nous allons lui ajouter en châtiment. Puis ensuite, Khabbab, il a été éprouvé par les gens de Quraysh dans son corps. Comme ici, il a été testé dans son argent et il a été ferme pour la ilaha illallah, il sera ensuite testé dans son corps. Il dit, radiyallahu anhu, que les gens de Quraysh l'ont pris et lui mettaient des plaques de fer. Kanu yulbisunahu adra'an min hadid. Ils lui mettaient des plaques métalliques que les guerriers mettent pour se protéger des flèches et des lances, etc. Et il dit, ils attendaient que le sable de la Mecque soit bouillant et ensuite le mettaient dessus et le piétinaient au niveau de la poitrine. Il dit qu'un jour, ils ont allumé des braises et l'ont couché dessus. Et il a dit, je n'ai ressenti la fraîcheur du sol que lorsque j'ai éteint les braises avec la graisse de mon dos. Et il a rapporté que Omar, un jour au temps de son califat, il était dans un cercle avec les compagnons et des tabi'in et il a dit, ma ahaqu bihada al-majlis min Bilal radiyallahu anhu. Il a dit, il n'y a personne qui mérite cette place là comme Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Il s'est levé, Khabbab, il a dit, wallah, commandant des croyants, que moi je mérite plus cette place que lui. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et il lui a raconté l'histoire des braises dans le passé et il lui a montré le dos qui était plein de trous. Donc ces gens ont subi pour Allah subhanahu wa ta'ala. afin qu'Allah parachève la religion et que nous, nous soyons musulmans aujourd'hui. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces épreuves, a vu qu'ils étaient sincères dans leur shahada, selon laquelle il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Un jour, Khabbab ibn al-Arat est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, alors que le prophète alayhi salatu wa sallam était couché, donc sur un de ses vêtements, auprès de la Kaaba, on est venu le voir et on lui a dit, « Ala tad'u lana, ala tastansir lana, est-ce que tu n'invoques pas Allah pour nous? Est-ce que tu ne demandes pas qu'Allah nous donne la victoire? C'est-à-dire de par ce qu'on a subi jusqu'à aujourd'hui de difficultés. » Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui montre que c'est la règle générale et lui dit « لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْتَ بِالرَّجُلْ فَيُحْفَرُ لَهُ حُفْرَ » Avant vous, on prenait la personne et on creusait un trou et on le mettait dedans. On mettait la personne dans ce trou-là et on laissait dépasser que la tête. Et on apportait un peigne de métal. فَيُمْشَتُ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ Et on lui arrachait le cuir chevelu avec ce peigne métallique. Et on apportait aussi une scie qu'on mettait sur la racine de ses cheveux et on lui coupait le crâne en deux parties. Et après, qu'est-ce qu'il dit ? Et ceci ne l'empêchait pas d'être ferme sur sa religion. Par Allah, qu'Allah va parachever cette religion. Jusqu'à ce que le cavalier voyagera de Sana'a à Hadramaut, qui sont deux villes au Yémen extérieures. À ce moment-là, à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle alors qu'il est qu'à la Mecque avec quelques compagnons. Mais il leur annonce que de Sana'a à Hadramaut, le cavalier musulman voyagera. La yakhafu illallah, n'ayant peur que d'Allah, wa dhi'bu ala ghanami, et du loup par rapport à ses moutons. Walakinnakum qawmun tasta'jiloun, mais vous êtes des gens pressés. Donc nous aussi, nous serons éprouvés. Tu seras éprouvé, ayyuhal akh. Tu seras éprouvé dans ton argent pour voir est-ce que tu aimes, pour qu'Allah voit est-ce que tu aimes plus cet argent que lui. Tu seras éprouvé dans tes enfants. Tu seras éprouvé dans tes enfants afin de voir est-ce que tu aimes plus ces enfants-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ta femme, dans tes parents, dans ce que tu aimes le plus. Et aussi tu seras éprouvé dans ta réputation. Il se peut. Comme l'a été Aïcha radiallahu anha dans Qissat al-Ifk. Aïcha al-Tahira al-Siddiqa, la pure, la véridique, elle était accusée d'avoir fait le péché que vous connaissez. Lorsqu'elle est revenue de la ghazwa de Ben al-Mustaliq, radiallahu anha, qu'elle a perdu son collier et qu'elle s'est mise à le chercher et que les musulmans sont partis, il y avait Safwan ibn al-Mu'attal qui est venu à l'arrière, qui balayait lui pour voir les derniers, et il est arrivé, il a vu un corps, hein, habillé de noir, et il s'est rapproché et il a reconnu Aïcha. Car elle dormait là, le visage non couvert. Et il la connaissait, lui, comme c'est dit dans la version, il la connaissait avant l'islam. Ce n'est pas un délil comme quoi le niqab n'est pas obligatoire. Et ensuite, il a fait un istirja. Il a dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Il a dit cette expression-là lorsqu'il a vu Aïcha. Elle dit « Ma ayqadhani illa istirja'u ». Quand elle s'est réveillée, elle a vu, elle a dit « Fakhammartu wajhi bi jilbabi ». Elle a dit « J'ai recouvert mon visage avec mon jilbab ». Ensuite, il a donc assis sa monture, il a fait monter Aïcha, il est monté et il l'a ramené ensuite à Médine. Et ici a saisi l'occasion Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la grosse tête des hypocrites, pour répandre cette fausse rumeur sur notre mère Aïcha radiallahu anha. Au début, elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant de cela. Jusqu'à un jour, elle s'est assise avec une femme qui s'appelle Umm Mustah. Elle était avec elle. Et Umm Mustah s'est pris dans son vêtement. Les vêtements étaient amples des femmes et tombaient par terre. Elle s'est pris dedans. Elle a dit « Ta'isa Mustah ». Elle a dit que Mustah soit attristé, ne réussisse pas. Elle a dit « Atasubbu rajulan shahida badra ». Est-ce que tu insultes un homme qui a assisté à Badr, à la bataille de Badr ? Elle a dit « Mais tu n'as pas entendu ce qu'il a dit ?» Elle a dit « Aïcha, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit ?» Elle a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et elle lui a raconté. Comme quoi il y avait une rumeur qui traînait, comme quoi il y avait eu le péché entre elle et le compagnon radiallahu anhu. Elle dit alors, je suis rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit, je ne reconnaissais plus en lui l'attention qu'il avait pour moi lorsque j'avais une tristesse ou un souci. Et il lui disait, comment est-ce que tu vas? À chaque fois, il rentrait, il disait, assalamu alaykum. Il disait, assalamu alaykum, kayfatiki. Comment est-ce que tu vas? Et il n'ajoutait rien. Elle a dit, j'ai voulu être sûre de l'information de Umm Mustah. Elle a dit, alors j'ai demandé au prophète, alayhi salatu wa salam, d'aller chez mes parents. Ista'adhantu an-nabiyya sallallahu alayhi wa salam, li'adhaba inda walidayhi. J'ai demandé à aller chez mes parents. Et elle est allée chez donc Abu Bakr et la femme d'Abu Bakr chez ses parents. Quand elle est entrée, elle a demandé à sa mère qu'est-ce qu'il en était. Elle a demandé des nouvelles. Elle s'est rendue compte qu'effectivement, la rumeur s'était propagée que c'était réel. Que c'était réel. La mère, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, oh ma fille, sache qu'une femme, lorsqu'elle a une grande position auprès d'un homme, les gens parlent beaucoup sur elle. Ensuite, elle a dit, ce jour-là, j'ai dormi cette nuit-là. Elle a dit, j'ai pleuré toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir et je n'avais plus de larmes à la fin de la nuit. À la fin de la nuit, je n'avais plus de larmes. Et les journées sont passées comme ça. Et un jour, elle est allée voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle lui a parlé de cela. Et il lui a dit, si jamais tu n'as rien fait, Allah va t'innocenter. Et si jamais tu as fait un péché, lorsque la personne reconnaît son péché, et qu'il demande pardon, et qu'il se repent à Allah, alors Allah accepte son repentir. Elle a vécu des longues, longues journées de tristesse. Chose que peut-être on ne peut pas reconnaître, nous, dans une société où la fornication aujourd'hui est généralisée. Et ça, c'est Aïcha as-Siddiqa, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bint as-Siddiq, la fille de Abu Bakr. Elle a été testée dans la ilaha illallah. Parce que ça, c'est un test dans sa aqida. Ça, c'est un test dans son tawakkul. Ça, c'est un test dans sa connaissance aussi des noms et des attributs d'Allah. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, il va l'innocenter. Et il va montrer que les gens ont menti et qu'en réalité, elle était innocente. Puis le wahi est descendu avec l'innocence de Aïcha, radiyallahu anha. Et il a réprimandé ceux qui ont parlé. Et même certains ont été fouettés parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui avaient parlé. Ce Aïcha, radiyallahu anha. Et qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Lawla idh sami'tumu, lorsque vous avez entendu cela, qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha, vous auriez dû dire, on ne doit pas parler de cela. Une femme de prophète qui a fait cela, subhanak hadha buhtanun azim. Allah ja'a bi tanzihihi huwa fi ma yata'allaq bi Aisha. Qala al-ulama at-ta'nu fi Aisha ta'nun fi Allah. Alladhi yat'anu fi Aisha fayat'anu fi ar-Rahman. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a innocenté Aisha, il a dit, lorsque vous aviez entendu cela, vous auriez dû dire, il ne nous appartient pas de parler à ce sujet. Subhanak, pureté à toi Allah. Hada buhtanun azim, ceci est un mensonge immense. Les savants ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ramené ici le tasbih subhanak, qui est le fait d'exempter Allah de défauts et de manques, parce que la critique de Aisha est une critique d'Allah. Car Allah ne choisit pour notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que les meilleures femmes. Dans le hadith authentique, wa fadlu Aisha 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharid 'ala sa'ir at-ta'am. Et le mérite de Aisha sur les femmes est comme le mérite de ath-tharid, qui est le pain mélangé avec de la viande, qui est la nourriture la plus luxueuse pour les Arabes à l'époque, c'est comme le mérite de ath-tharid sur le reste des femmes. Donc Allah l'a innocentée. Lorsqu'elle a été constante, elle a gardé sa tristesse, elle pleurait, elle s'en remettait à Allah. Et elle a patienté et Allah l'a innocentée. Toi aussi tu seras parfois accusé. Dans ton ir, tu vas entendre des gens parler sur toi, dire des mauvaises choses sur toi. Tawakkal ala Allah, remettant à Allah et sache que Allah va t'innocenter. Sache que Allah va te défendre si ta shahada est véridique. Si ton islam est véridique. Si ta piété est véridique. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui avez cru, si vous assistez Allah, Allah vous assistera et raffermira vos pas. Et lorsque nous aurons une shahada authentique et que Allah subhanahu wa ta'ala verra que réellement nous avons concrétisé la ilaha illallah et que nous mourrons selon cela, nous mériterons alors jannah, arduha as-samawati wal ard. Nous mériterons ce paradis large comme les cieux et la terre dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fihi ma la aynun ra'at, il y a dans ce paradis là ce que nul œil n'a vu, wa la udhunun sami'at, et ce que nul oreille n'a entendu, wa la khatara ala qalbi bashar, et ce que aucun cœur humain n'a pu imaginer. Et le prophète lisait après avoir dit ces paroles là iqra'u in shi'tum, il disait lisez si vous voulez, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, aucune âme ne sait ce qui lui a été réservé comme source de bonheur pour ses yeux en récompense de ce qu'il faisait. Dans le hadith authentique, idha dakhala ahlul jannati al jannata nada munadin bi an lakum an tahyaw fala tamutu abada wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tashibu fala tahramu abada wa inna lakum an tal'abu fala tayasu abada. Lorsque l'on entrera bihawlillah allahumma adkhilna al jannah, lorsque les croyants entreront au paradis, un appeleur appellera, il vous appartient de vivre et jamais vous ne mourrez. Il vous appartient d'être jeune et jamais vous ne vieillirez. Il vous appartient d'être en bonne santé et jamais vous ne tomberez malade. Et il vous appartient d'être en bonne santé, il vous appartient de vous amuser et de jamais vous ennuyer. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma aj'alna min as-sadiqin fi qawlihim la ilaha illallah Muhammadun rasulullah. اللهم ثبتنا على دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك وحدك لا شريك لك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.